moment. Allez, le voilà, notre athlète français qui continue sur sa lancée. Il est concentré, il s'avance. Et voilà, ça y est, c'est la victoire. Il ouvre son contrat chez EDF. Mais quelle émotion, c'est un grand moment. Passez une rentrée de champion avec EDF. Jusqu'au 10 septembre, ouvrez un contrat d'énergie chez EDF, fournisseur officiel d'électricité renouvelable des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et tentez de remporter vos places, dont deux pour la cérémonie d'ouverture. Infos et conditions sur edf.fr/une-rentrée-de-champion. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Le samedi, c'est archéologie au menu de France Culture. Mais aujourd'hui et demain, les archéologues sont de sortie. C'est normal, c'est la fête de l'archéologie. Depuis 14 ans, les 17 et 18 juin, se déroulent les journées de l'archéologie. Ainsi se rassemblent désormais 36 nations européennes pour ouvrir chantiers de fouilles et musées afin que tout un chacun puisse en profiter et aller les visiter. Avant de partir sur un chantier, bien entendu ouvert demain, évoquons une ville pionnière qui lança ses premières fouilles en 1973 et qui depuis ne s'est jamais arrêtée. Cette ville, c'est bien entendu Saint-Denis. Saint-Denis et son unité archéologique créée en 1982, sa maison de l'archéologie devrait-on dire, et que nous suivons depuis des années. Pour preuve, nous présenterons une belle archive sur le chantier d'un ruisseau traversant la ville, le Crou, fouillé en 1990 et qui révéla des éléments d'exception. Mais sans plus attendre, Claude Héron, bonsoir. Bonsoir. Ancien archéologue du département de la Seine-Saint-Denis, vous voici désormais à la tête de l'unité archéologique de la ville. Les recherches archéologiques de Saint-Denis débutèrent donc en 1973 au pied de la basilique à l'occasion des terrassements de la ligne 13 du métro. Une époque pionnière où tout partait généralement à la poubelle. C'était la tendance, oui effectivement. Tout ou presque partait dans les déblais. Ceci étant, c'est aussi l'époque où on commence à bien prendre conscience de l'inadéquation des moyens financiers, de la réglementation, des techniques, des problématiques scientifiques pour faire face à une érosion grandissante du patrimoine archéologique, compte tenu des dynamiques d'aménagement à l'œuvre. C'est particulièrement sensible en contexte urbain. Beaucoup de villes connaissent à l'époque leur scandale archéologique avec toujours peu ou prou les mêmes ingrédients. D'un côté, un projet d'aménagement. De l'autre, un patrimoine archéologique dont on identifie très bien le potentiel. Des travaux commencent, faute de pouvoir être anticipés. Des vestiges archéologiques subsistent. Les archéologues sur place, lorsqu'il y en a, les sauvent comme on peut. C'est le début de l'archéologie de sauvetage. Ceci étant, dans un certain nombre d'endroits, on commence à essayer d'aller un petit peu plus loin que ça, des embryons de réponses technico-administratives, scientifiques aussi, se font jour et politiques se font jour. C'est le cas par exemple à Saint-Denis. Alors effectivement, avec le recul, on se rend compte que ces éléments de réponse, c'est peu de choses. Ça se voit notamment lorsqu'on évalue, lorsqu'on revient sur le financement des fouilles archéologiques. Déjà après quelques années de pratique, dans les années 1970, entre 1977 et 1980, les fouilles urbaines de Saint-Denis, il n'y a pas encore d'unité d'archéologie à l'époque, bénéficient de 700 000 francs de crédit. 700 000 francs, un peu plus de 110 000 euros. C'est ridicule aujourd'hui. À l'époque, ce financement, deux tiers État, un tiers ville font des fouilles de Saint-Denis, une opération archéologique spectaculairement bien dotée. Aujourd'hui, que sait-on par l'archéologie de l'évolution de la ville médiévale ? Quantité d'informations ? Oui, quantité d'informations, notamment quantité de mobilier archéologique. C'est peut-être ce qui singularise le plus les fouilles de Saint-Denis, c'est la quantité d'objets de toutes sortes qui nous renseigne sur la culture matérielle de l'époque médiévale, des objets du quotidien, mais aussi des objets plus rares, des pièces d'importation, par exemple. Alors, il y a des dizaines de fouilles, il y a une dizaine de fouilles par an. La grande et le grand événement de cette année, c'est la fouille d'une partie de la basilique cathédrale, celle de nos rois, avec la découverte de quantités de tombes. Ah, la fouille de la basilique, c'est la première fois, si on met de côté des opérations extrêmement limitées, que l'archéologie revenait dans la basilique depuis les années 1970. Il y a une longue tradition de recherche archéologique dans la basilique qui remonte au 19e siècle. Il y a des fouilles significatives dans les années 1950-1960. Mais depuis, c'est un peu paradoxal, l'archéologie s'était très largement développée à l'extérieur de la basilique, mais il n'y avait plus de travaux archéologiques à l'intérieur de la basilique. On y est revenu, et on y est revenu dans le cadre, indépendamment de l'exceptionnalité du monument, dans le cadre d'une fouille d'archéologie préventive, ma foi, tout ce qu'il y a de plus normal. Voilà. Claude Héron, partons sur le chantier actuellement en cours. J'y ai bien sûr retrouvé Georges El Aïbé, jeune archéologue libanais et responsable à l'INRAP de cette opération. 5870 mètres carrés de surface en centre-ville, c'est absolument gigantesque. On peut imaginer qu'il y a plein de choses à découvrir. Et justement, devant nous, ça commence. Vous avez découvert des sortes de maisons. Exactement, ces maisons-là datent du XIIIe siècle. Ça montre une dense occupation qui témoigne d'une grande augmentation de la population. La présence de ces différentes couches charbonneuses qu'on voit en face de nous, dans cette coupe-là, associée au sol, ainsi que ces différents foyers répartis dans les autres pièces, nous permet de suggérer la présence d'une activité domestique, commerciale et même artisanale peut-être. Comment sont-elles ces maisons? Elles sont en bois visiblement. Des fondations en pierre et les élévations le plus probablement étaient à pans de bois. Ces techniques de construction se basent sur des fondations et associées à des trous de poteaux. Et les élévations étaient soit en bois, soit en torchis, soit en plâtre. Alors on sait bien sûr à Saint-Denis que la population est déjà très dense au 4e, 5e siècle de notre ère. 11e, 12e, 13e siècle, la ville se densifie toujours. C'est normal que vous trouviez des maisons sur une telle épaisseur de stratigraphie? Oui, parce que ce qu'on voit ici, c'est pas juste ces types de maisons du 13e et même du 12e siècle. On voit dans ce coin-là des fondations, des loges de la foire du Landy. Alors là, vous avez ouvert une sorte de longue bande côté rue, hein, et vous allez ensuite tout déblayer, tout enlever pour aller encore plus profond. Exactement, on va essayer d'enlever toute cette stratigraphie que vous voyez ici pour trouver le fossé carolingien. Ce fossé, en fait, a été creusé en 869 dans le but de protéger la basilique et l'abbaye contre les raids des Vikings. D'après les fouilles qui ont eu lieu tout autour de nous et sont nombreuses, ce fossé était parfois simple, parfois double. Il a un plan ovale centré sur la basilique et de diamètre entre 400 et 500 mètres. Donc il protégeait grosso modo une surface d'environ 8 hectares. Alors vous l'avez découvert, c'est ça qui est très important. Vous avez rouvert donc à cet endroit-là et vous tombez sur ce fossé. On le voit ici par exemple? Exactement, ça c'est le fossé qu'on voit en coupe. Là, en face de nous, on a la chance d'avoir tout son profil, de pouvoir restituer toute sa largeur. Ici, on a eu la chance. Alors, on va avancer parce que le chantier est extrêmement grand. Tout ça est très blanc, sous le soleil. Alors, j'ai vu que vous aviez une sorte de petit cercle, là, de pierre, avec une sorte de parement. De quoi s'agit-il? Quelque chose qu'on peut imaginer de tardif. Oui, ça c'est le kiosque de musique qui a été construit à la fin du 19e et début 20e siècle dans le but de réaménager la place. À ce moment-là, ils ont construit le kiosque, ils ont planté plein d'arbres tout autour. Ce kiosque, on a des vues dans les cartes postales, on l'a sur des vues aériennes. Mais ce qu'on n'a pas, et ce qui est surprenant, assez excitant, c'est que à l'intérieur de cette construction, comme vous pouvez le voir, on a plein de fragments de mosaïques polychromes, ce qui nous permet de supposer que ce kiosque était probablement pavé de mosaïques. Très joli, on continue. On va passer devant une énorme pelle mécanique. Hop, on se glisse le long. Hop là. Et on arrive bien sûr sur le chantier principal. Qu'est-ce que l'on verrait ici? Peut-être des caves, ici, non? Ici, exactement, on voit des caves voûtées. Ces caves datent du milieu du XVIe siècle et ils appartiennent aux loges de la foire du Landy. Cette loge était une des plus importantes de la France. Le Landy est à l'origine une fête religieuse qui doit sa naissance à l'ouverture de la chasse reliquaire de Saint-Denis. C'est-à-dire qu'on ouvre le reliquaire de Saint-Denis donc devant la basilique. Quantité de pèlerins viennent, si j'ai bien compris. Et qui dit pèlerins dit acheteurs potentiels. Des marchands viennent s'installer tout près de la basilique pour vendre des produits, c'est bien ça? C'est bien ça, mais en fait, cette foire était au XIIe siècle installée à la plaine entre Paris et Saint-Denis. Mais en 1426, cette foire était interrompue 18 ans à cause de la guerre de Cent Ans. En 1444, Charles VII a déplacé cette foire à l'intérieur des murailles pour la protéger. Elle a été installée en partie ici, sur cette place, et elle a été définitivement installée là par Henri II en 1556. Et ces caves que vous voyez en face de vous datent de cette période-là. Et le tout est rasé donc en 1854. Avant d'être rasé, quand on a rasé ces loges de marchands, donc, hein, on a tout rasé sauf les caves, c'est bien ça? Ils ont juste rasé les élévations dans le but de réaménagement. Ils ont construit le kiosque de musique et ils ont végétalisé la place. Comment peut-on s'imaginer ces loges? C'est une cave et puis au-dessus un petit magasin? Le soubassement, en fait, étaient des caves. Comme vous voyez, le plafond n'est pas très haut parce que le but de ces caves, c'est pas de circuler. En fait, le but, c'est de permettre le stockage des marchandises. Georges El Haïbé, vous avez aussi dans une cave, ce que l'on ne s'attendait pas, des vestiges très bien conservés. Ça, c'est la chance, ça, c'est le grand lot, comme on dit en français, je crois. Dans cette cave-là que vous voyez en face de vous, donc, dans cette cave-là, on a trouvé du bois, du textile et même du cuivre. Ça, c'est exceptionnel. Ça, on ne trouve pas chaque jour ce type de vestiges ailleurs. Donc, les textiles, c'est bien sûr c'est ce qu'il y a de plus fragile. Vous avez donné ça à des laboratoires d'analyse et de conservation? On a consulté des laboratoires d'analyse et de conservation qui nous ont guidés pour la manière de les préserver, de les stocker pour l'instant, en attendant la fin de la fouille pour pouvoir leur transmettre ce mobilier et faire le nécessaire. Alors ce que l'on voit aussi, c'est beaucoup de choses. Il y a beaucoup de trous sur ce chantier, visiblement. On voit bien les caves, elles sont légèrement au-dessus. Et puis d'un seul coup, légèrement en dessous, il y a ces énormes trous-là. De quoi s'agit-il de tout ça? Ce sont des silos, des faux silos, destinés au stockage des graines. Ils ont été creusés fin 11e, début 12e siècle. Ils sont associés aux bâtiments sur les trous de poteaux et associés également aux bâtiments qu'on voit là-bas dans la coupe. Ce qu'on appelle bâtiment à colombage. Vous avez des puits aussi, semble-t-il. Les puits qu'on voit sont associés aux loges de la foire du Landy, qui datent du milieu du XVIe siècle. Par contre, les deux puits qu'on voit à l'extrémité du chantier sont plus récentes, datent du XVIIIe siècle. Mais c'est quand même des aménagements et des réaménagements qui appartiennent à ces loges. Vous allez continuer bien sûr à ouvrir le chantier, vous allez descendre petit à petit, encore tout l'été, peut-être même en septembre, octobre. Le but, découvrir une partie de la nécropole, une nécropole bien plus ancienne, 4e, 10e siècle. Jusqu'à maintenant, on n'a pas pu trouver des sépultures, mais il y a eu en 2005 la plantation de ces arbres qu'on trouve autour de nous. Et à l'emplacement de ces trois arbres au sud-est de la place, directement en face de la basilique, ils ont pu trouver 8 sépultures, probablement hommes-femmes, orientées est-ouest. À l'intérieur de ces fosses, ils ont trouvé de la céramique qui date du 10e, 11e siècle. Et il y a eu 2 carbone 14 qui ont confirmé ces dates-là. Donc, cela nous permet de dire que tout autour de ces arbres-là, il est fort possible qu'on trouve l'extension de la nécropole, de la grande nécropole royale de la basilique de Saint-Denis, et d'essayer et de pouvoir déterminer sa limite ouest. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Claude Héron, cette nécropole vous interroge ? Ah, ça, c'est une question. Il y a deux possibilités. Soit, effectivement, c'est une extension occidentale assez importante de la grande nécropole liée à la basilique. Soit c'est une autre nécropole distincte de la grande nécropole. Ce ne sera pas la première fois qu'on découvre à Saint-Denis, à peu de distance d'une limite de la nécropole, une petite aire sépulcrale plus réduite. À la fin des années 1980, on en avait fouillé une d'une trentaine de tombes à une vingtaine de mètres au nord de la limite de la basilique. Est-ce qu'on serait là en présence d'une autre nécropole secondaire ? La question, c'est évidemment le pourquoi de ces nécropoles secondaires. Bon, manifestement, leur recrutement doit être différent, plus spécifique peut-être de celui de la grande nécropole. Mais qui diable a-t-on pu inhumer dans ces nécropoles ? Georges L. Haïbé évoquait le fossé entrepris contre les raids des Vikings. Celui-ci était alimenté en eau par un ruisseau, le Crou, fouillé en 1990 par Olivier Meyer. Nous y étions, on écoute l'archive. Il s'agit d'abord d'un petit cours d'eau qui est détourné sur 6 ou 7 kilomètres, qui vient alimenter les fossés creusés à l'époque de Charles le Chauve. Et dans le cours que nous étudions ici, il s'agit d'un détournement à partir du XIIe siècle qui est destiné en fait à accélérer un petit peu le cours de l'eau, notamment pour faire fonctionner les moulins, des moulins à temps, des moulins foulons, qui se sont établis le long de cette rivière. Pourquoi et à quelle époque a-t-elle été rebouchée ? Oh, alors ça, je crois que c'est un phénomène un petit peu général. Au début du siècle, on a tenté d'extraire ces rivières, de les détourner des agglomérations. C'est vrai que c'était considéré comme des foyers pestilentiels. C'est vrai que quelquefois, elles jouaient un petit peu un rôle d'égout et qu'en plus, elles posaient des problèmes d'humidité. Et que d'autre part, elle n'était plus guère nécessaire aux artisans qui avaient déserté le quartier en réalité. Et vous pouvez reconstituer son histoire ? Oui, on a suffisamment de témoins pour restituer les diverses étapes de son aménagement entre le premier canal qui est simplement creusé dans le sol. Ensuite, l'édification de premières berges qui appartiennent au début du XIVe siècle, probablement, puis des berges plus étroites, puissamment fondées sur des pieux de chêne très rapprochés, et sur lesquels prennent d'appui des constructions maçonnées en pierre de taille, dont la caractéristique est de ménager l'emplacement de tonneaux qui sont enfouis entièrement, verticalement, le long des berges, et dans lesquels travaillaient les lavandières ou les gens qui rinçaient les étoffes après leur teinture. C'est-à-dire que l'on se mettait dans le tonneau et on avait l'eau à peu près au niveau des mains, ce qui permettait un travail plus facile ? Oui, en réalité, c'est une solution très ergonomique. Effectivement, la lavandière, au lieu d'être accroupie et de risquer de tomber dans la rivière elle-même, pouvait travailler debout avec le niveau de l'eau au niveau de son plan de travail. Vous me disiez tout à l'heure que la rivière était asséchée et en fait, on a à certains endroits quelques 20 à 30 cm d'eau. Oui, même plus, si nous ne pompions pas en permanence, la fouille serait en partie immergée, tout simplement parce que nous sommes suffisamment profonds pour être imprégnés par la nappe phréatique. Il ne s'agit plus de l'eau de la rivière, mais de l'eau qui est contenue dans les terrains sous-jacents. C'est d'ailleurs une condition optimale pour favoriser la conservation de toute une variété de matériaux qui autrement disparaissent dans le sol, que ce soit le cuir, le textile ou le bois par exemple. Le plus spectaculaire que vous ayez découvert, c'est sans nul doute donc ces objets dont vous commenciez à nous parler à l'instant. Vous retrouvez des cuirs, dites-vous. Effectivement, le mobilier occupe une place très importante dans le résultat des fouilles en milieu urbain. Il pose même problème parce que c'est plutôt surabondant, ça pose des problèmes de gestion, de stockage. De cette fouille, par exemple, nous ramenons tous les soirs entre 200 et 300 kilos de mobilier. Alors, il s'agit bien sûr, pour l'essentiel, de céramique, d'ossements, mais ici, en grande quantité, des objets métalliques, par exemple, de nombreux accessoires de costumes. Puis alors, je vais vous donner un scoop. On vient de découvrir hier une bulle papale, ce qui est tout de même un objet assez exceptionnel en fouille. Et par ailleurs, comme je l'ai indiqué, des matériaux organiques. Donc, tous les jours, environ, 5 à 600 fragments de cuir, qui sont pour l'essentiel des chaussures. Nous avons des chaussures ajourées de très très belle qualité qui appartiennent au 15e siècle. Et pourquoi tant de chaussures ? Bien d'abord parce que ces chaussures médiévales étaient suffisamment fragiles pour avoir sans doute une longévité assez courte. Et je pense qu'on les retrouve en grande abondance dans cet environnement parce que nous sommes à l'emplacement d'ateliers de savetiers. Vous savez qu'au Moyen-Âge, on a deux corporations distinctes. On a les cordonniers qui fabriquent les chaussures et on a les savetiers qui les restaurent. Donc, ils rachètent des vieux cuirs, des vieilles chaussures et ils retaillent à l'intérieur pour en refaire de nouvelles chaussures. Vous auriez une sandale, un bout de sandale à nous montrer, non ? Pascal, tu peux montrer un petit peu le matériel organique ? Alors évidemment, des mesures de sauvegarde d'urgence s'imposent. Il n'est pas question de sortir des objets sans autre forme de procès. Il est nécessaire de les conserver dans un milieu le plus proche possible de leur milieu d'origine, c'est-à-dire d'abord dans de l'eau. Vous voyez, là, c'est une forme de peigne très caractéristique. D'un côté, des dents assez espacées, de l'autre côté, des dents très fines. Celui-ci n'est pas décoré. Et ils le sont quelquefois, mais finalement, c'est assez rare. Et de quelle époque ? Oh, le sédiment en cours de fouille appartient au 14e siècle, peut-être début du 15e siècle. En ce qui concerne les chaussures, malheureusement, pour l'essentiel, ce sont le plus souvent des semelles indépendantes. Il est assez rare, enfin, nous en avons quelques-unes, tous les jours il en rentre 5 ou 6, mais c'est tout de même plus rare de trouver des chaussures à peu près complètes, c'est-à-dire dont nous ayons à la fois l'empeigne, le dessus et la semelle. Et sur ces chaussures, on peut voir certaines techniques de fabrication. Est-ce que l'on pourrait reconstituer, par exemple, le patron ? Oui, naturellement. C'est un des objets de l'étude. On met en évidence, d'une part, des modifications du point de vue de la forme et du décor. J'ai parlé tout à l'heure de cuir ajouré. Mais d'autre part, les techniques de montage évoluent considérablement entre le Haut Moyen-Âge et la Renaissance. Pour schématiser, on pourrait dire que à l'époque carolingienne, une chaussure est en grande partie, même quasiment exclusivement, constituée d'une seule pièce qui a une découpe assez complexe, mais c'est une seule pièce de cuir qui, remontée, permet de constituer une chaussure. Alors que plus tard, c'est un ensemble de pièces de cuir qui sont réassociées et qui peuvent compter une douzaine d'éléments. Dans le musée de Saint-Denis, vous présentez un petit bonnet tricoté dans un matériau assez incroyable. Vous pourriez nous expliquer ce que c'est que ce matériau ? Oui, nous avons, hormis le cuir, de nombreux échantillons de textiles. Il y a environ actuellement 800 ou 900 fragments de tissu qui sont extrêmement intéressants parce que, autrement, ce qu'on connaît du tissu du Moyen-Âge, c'est surtout les reliques, les vêtements ecclésiastiques. Ce sont toujours des tissus luxueux et généralement d'importation. Alors que là, l'archéologie fournit une panoplie très très importante de divers matériaux, de divers types de textures. Alors, il s'agit d'étudier ces textiles. Nous avons fait une série d'analyses en collaboration avec le CNRS qui a permis notamment de mettre en évidence qu'un bonnet, un bonnet qui est un bonnet de tricot, c'est un jersey. C'est avéré, alors que nous l'avions toujours pensé en laine, c'est avéré être en byssus. Le byssus étant une fibre organique sécrétée par la pinna nobilis, qui est une espèce de grande moule qui vit dans les pays méditerranéens, et dont on savait que durant l'Antiquité, notamment on le sait par Pline, mais le byssus est aussi mentionné dans la Bible, c'est une fibre qui a été utilisée dans le textile. C'est un textile qu'on qualifiait de laine de poisson et qui était très prisé, qui avait une grande valeur. Nous avons d'ailleurs des textes arabes qui en mentionnent le commerce pour le Moyen-Âge, mais on est assez surpris d'en trouver un échantillon, et un échantillon de très belle qualité, dans une ville septentrionale de notre Europe. Et les autres objets, eux, sont en métal et surtout en plomb, je crois. Dans ces alluvions, il y a beaucoup d'objets en alliage de plomb, en alliage d'argent et d'étain. Il s'agit surtout d'insignes de pèlerinage. Ce sont des petits objets qui sont très intéressants parce qu'ils témoignent de pratiques populaires, ces pénitents qui étaient expédiés sur tel ou tel site et qui, pour prouver à leur curé qu'ils avaient bien fait le déplacement à Boulogne-sur-Mer par exemple, ils ramenaient en souvenir un petit objet moulé dont nous avons recueilli une assez grande collection qui est très intéressante puisqu'elle permet de restituer une espèce de carte de répartition des pèlerinages à partir de Saint-Denis. Une belle archive, Claude Héron, sur un chantier que vous avez vous aussi fouillé. Cela doit vous rappeler quelques souvenirs. Ah, je me rappelle très bien de la fouille de ce segment du Kroul. Ça devait faire à peu près 80 mètres de long. Et effectivement, on le fouillait par section de 3-4 mètres avec des quantités considérables de mobilier archéologique qui étaient mises au jour chaque jour. Alors vous sortiez les quantités donc de mobilier. Qu'est-ce qui est devenu tout ce mobilier-là? C'était quoi? Essentiellement de la céramique d'ailleurs. Céramique et matériaux de construction, mais également des centaines d'objets métalliques et des objets organiques, essentiellement donc des fragments de cuir. Tout ça est aujourd'hui conservé à l'unité d'archéologie à Saint-Denis. Ce chantier, il a duré très très longtemps visiblement. Ah, il a duré pas si longtemps que ça, puisque c'est une fouille de sauvetage, comme on disait à l'époque, de 3 mois. Et est-ce qu'il pourrait être encore fouillé ce crou ailleurs, dans d'autres endroits de Saint-Denis? Ah, il reste de nombreuses sections à explorer, bien sûr, quelques centaines de mètres, notamment dans l'emprise des anciens jardins de l'abbaye. Olivier Meyer nous parlait d'un petit bonnet en jersey tricoté dans une laine de poisson, le fameux byssus de la moule pinna nobilis. Vous en avez retrouvé d'autres? Ah, le bonnet en byssus, ça a longtemps été un unicum. Bon, il se trouve que très récemment, un second fragment a été identifié en tant que fragment de byssus, et un troisième fragment est suspecté d'en être aussi. Donc ce n'était pas tant un unicum que ça. Ce qui m'amène à me dire que dans des réserves archéologiques, ici ou là, constituées à partir de la fouille de contextes urbains de qualité, de contextes élitaires, il y a peut-être d'autres fragments de byssus qui attendent d'être identifiés. C'est un produit de luxe quand même, qui vient de très loin. Donc c'est assez normal qu'on le trouve dans une grande ville royale comme Saint-Denis. Bien sûr, c'est une pièce d'importation, on ne va pas trouver ça sur tous les sites, mais on a fouillé bien des contextes élitaires, en contexte urbain. Je serais vraiment surpris qu'il n'y en ait pas d'autres. Claude Héron, donc, un grand merci. À voir donc demain, et dans le cadre des Journées européennes de l'archéologie, le beau chantier de la place Jean Jaurès à Saint-Denis, comme nombre de chantiers à travers la France. Carbone 14 était réalisé par Louise André, à la technique Amandine Frichoux, et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.